rayons de soleil, et toi t'étais brisé. Tu parlais de la mort, qu'elle viendrait te chercher. Je croyais que l'amour pouvait te sauver. Venu d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs.

Alors, chers auditeurs et chères auditrices, je vois que vous êtes nombreux ce soir. Aujourd'hui, bah, c'est la première émission de Mavrika. Donc, c'est l'édition numéro 567. Et nous découvrons donc la nouvelle technologie sur Radio Arc-en-Ciel. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps pour m'habituer. Mais tout se passe très bien, en tout cas. On a eu l'occasion d'écouter pas mal de bonne musique et dans des bonnes conditions. On a écouté Sika avec Enjoy, Drive to Amnesia avec Better Life, Blazone avec Small Town Boys. On a écouté aussi Gilles Selig avec un featuring de Christie's. Et c'est écrit, c'est un morceau qui a été écrit par Phil Cool, quelqu'un qui était venu tout au début dans les premières années dans l'émission Mavrika. Ça fait déjà quelques années. En tout cas, j'aimerais bien le retrouver ici, surtout qu'il suit un autre groupe. Donc peut-être ça va se faire dans quelques semaines peut-être. Voilà donc le morceau qu'on a écouté s'appelle Reborn. Et on a écouté aussi notre ami Yavanna avec Rest. On a continué avec un autre groupe que je découvre, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un groupe qui est de la région, hein, qui s'appelle Clitosaurus. Et le titre qu'on a écouté s'appelle Disco Mobile Murder. Et s'ils nous écoutent et ils ont envie de passer un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale, il faut surtout pas qu'ils hésitent à me contacter. Ça sera avec beaucoup de plaisir en tout cas. On vient d'écouter un morceau super puissant qui s'appelle Blooming Discord. C'est le titre, le nom du groupe plutôt. Et le titre c'est Unrest Pact. Alors les Blooming Discord, c'est un groupe de Marseille. Ils étaient hier au Dropkick avec nos amis des Chaos Rules. Voilà, si vous les avez loupés, ben il fallait y aller, hein. Depuis le temps que je vous dis de sortir et d'aller voir les concerts, il y en a pas mal, hein. Donc allez découvrir, allez prendre des risques aussi, hein. Des fois vous allez tomber sur des groupes qui vont peut-être moins vous plaire, mais des fois vous avez des superbes découvertes, comme c'était le cas donc avec les Blooming Discord. On va continuer avec un morceau des Burning Head, puisque de toute façon depuis des années je présente cette émission sur ce titre qui s'appelle Midnight Dub, et c'est les Burning Head, et on va continuer avec eux, avec un autre titre qui s'appelle Break Me Down. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, on est ensemble jusqu'à 22h. J'espère que vous passez du bon temps. En tout cas on a encore pas mal de temps à passer, puisque j'ai mis quand même du temps à vous présenter cette émission. Mais maintenant on est parti et on est ensemble jusqu'à 22h. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. Yeah. gamma, l'intérieur je le repeins au coulis dans ses fans. Dites à toutes ces petites choix que je leur cale une lame de jobby. Marche plus qu'on m'emmerde avec des négociations, aucune absolution. Je suis pas de ceux qui t'aiment. Je défonce les falaises, ça coûte des vals, des briraux qu'il faut que c'est perdre. À bouffer de la merde à longueur d'audition. De la presse spécialiste qui se pêche pour être sur lutte, toujours prêt pour un piste dans des articles minutes, à dire que leur abus pour vendre ses droits. Du faux sang, une femme de les gars partent éclater les MC qui les détestent. J'en regrette de constater qu'en dehors de leur manifeste, j'ai sous les tmates les fesses et les déçus. Je parle d'un épilogue heureux quand même, les critères se roulent, les sous-bois, les tibites, les ressens, j'ai assez d'oubou, bah même preuve de sous-bas, des goûts amoureux. Tout nouveau, c'est le dernier Uncle, non, c'est Dirty Charlie avec La Revanche de la Vie. Et juste avant, c'était le Uncle Bikers avec Bad Juicy and Blue. On avait commencé cette série avec les Burning Head, avec un morceau qui s'appelle Break Me Down. Et on a continué avec les Mockingbird, Money et Noitall, I Don't Care. Voilà, priorité à la musique sur Radio Arc-en-Ciel jusqu'à 22h. Vous êtes dans l'émission Mavrika. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 567. Donc, c'est facile à se souvenir, c'est 567. Voilà, et puis je voulais aussi dédier cette chanson à Jean-Marc, le guitariste justement des Mockingbird et aussi des Blues Factory qu'on écoutera tout à l'heure. Qui nous a quitté dernièrement et voilà, il est venu plusieurs fois dans les studios Radio Arc-en-Ciel pour défendre ses groupes et il a participé aussi avec au Mavrika Live avec les Blues Factory. On lui dit au revoir et on espère qu'il nous écoute de là-bas. En tout cas, ciao l'artiste. Avec un groupe qu'on aime bien, il s'agit d'un groupe qui a participé au dernier Mavrika Live, il s'appelle Yeti, et le morceau qu'on va écouter, c'est un de mes morceaux préférés, il s'appelle The Maze. We'll be right back. Le Jarry qui reprend une chanson de Bachon, Les Vertiges de l'amour, une chanson que je me souviens quand elle était sortie, ça avait fait un tabac, et justement avec la voix de Benoît et puis les autres musiciens de Jarry qui sont excellents, c'est toujours un plaisir de les écouter. Et c'était donc Vertiges de l'amour, le groupe Le Jarry. On continue avec le groupe Barricade. Alors le groupe Barricade, lui, il voit qu'il y a une insurrection qui vient, voilà, c'est pas facile à dire, c'est le titre de la chanson que nous allons écouter juste après. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica et vous êtes en compagnie d'Albino jusqu'à 22h. Maintenant il prépare l'insurrection qui vient. Ils ne voulaient plus donner leur vie au patronat. Ils ne croyaient plus les gars qui mentent au quotidien. Ils ne croyaient plus les journalistes et bon bien sûr. Maintenant, ils réfléchissent à l'insurrection qui vient. L'insurrection qui vient. Après s'être frappé dans des cités pour les sans-papiers, coffret. Juste parce qu'ils font tester. Ils ont laissé tomber les réunions, les pétitions. Ils commencent à penser à une plus directe action. Est-ce que tu l'entends? L'insurrection qui vient. L'insurrection qui vient. Si tu penses aussi qu'à s'occuper des élections, si tu dis aussi que c'est une guerre qu'ils nous font, si tu penses aussi qu'à s'occuper des élections, si tu dis aussi que c'est une guerre qu'ils nous font, va falloir en être de l'insurrection qui vient. Dérapade avec l'insurrection. L'insurrection qui vient, voilà. Juste après, on va écouter un autre groupe qui est déjà passé dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, hein, puisque je vous précise que, quand même que dans l'émission Mavrica, on reçoit principalement des groupes de la région orléanaise, mais pas que, hein, ceux qui veulent faire l'effort de venir de très loin jusque chez nous, dans nos studios, bien chauffés, bien climatisés. Vous pouvez venir pour nous présenter votre travail, et ça, c'est avec beaucoup de plaisir. C'est comme ça qu'on a rencontré énormément de bonnes personnes. Et justement, un des groupes qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, il s'appelle le groupe Dérapade, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Maître du Monde. Pour initier, J'ai tout anticipé de A à Z. Même les imprévus me viendront en aide. Le moindre détail toujours calculé. Le jeu de taille, je détiens les clés. Mais un jour, je le sais, il faudra que ma tête tombe. Ça finit toujours comme ça dans la folie et le sang des maîtres du monde. Ouais, faut que je tombe comme les palombes. Ouais, faut que je connu. Il s'agit de notre dernier invité. On l'avait reçu le vendredi 1er septembre dans l'émission Mavrika, dans l'émission numéro 566. Il s'agit de notre ami Alex Le Bail. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est tiré de son dernier album. Et ça s'appelle « Je me défends ». On va continuer avec un autre groupe. Le groupe s'appelle Heavy Burn. Ils étaient venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais la chanteuse est dans un autre groupe qu'on invitera sûrement très bientôt. Et justement, il nous chantait une chanson « Je ne veux pas rester sage ». Et c'est la chanson que je vous propose d'écouter tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel. C'est ma mort. chante mal en douceur. Conseil des Heavy Bird avec il faut pas toujours rester sage hein, ça c'est ce qu'on peut dire hein, voilà en vérité voilà on va continuer avec de la bonne musique. On va retrouver notre ami Mourad, et vous savez Mourad il est venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et que lorsqu'il y a un concert il faut aller justement voir les artistes, et Mourad fait partie des artistes qu'il faut vraiment voir en concert. Alors il se pose des questions. Les questions qu'il se pose, c'est à partir de quand on est vieux. Ça c'est la question. Et plus on avance dans l'âge, et plus c'est tard, hein, j'ai remarqué. Hein. Quand j'ai mon front qui s'agrandit, que je ne compte plus mes cheveux gris, que si je me souviens vaguement, sûr que c'était mieux avant. Comme parfois je cherche mes mots, que trois marches c'est déjà trop haut. Attends deux secondes, je fais une pause, je sens ma jambe qui sent qu'il ose. Dans la tête ou dans les yeux, je redoute les années qui passent. Il faut bien que je fasse. Et tu me dis que je radote, je ne cesse de te dire qu'à l'époque je tenais bien plus en soirée. Si c'est pas, je rentre, je suis crevé. Quand je raconte un souvenir, que mon pote se met à en rire, il dit qu'il est trop jeune pour ça, que j'ai le seum, mais je comprends pas. Dis, à partir de quand on est vieux, est-ce dans la tête ou dans les yeux, je redoute les années. Avec moi, tu me dis que je m'inquiète pour rien, que le temps joue et fait de moi comme un bon vin. Tu me trouves toujours 6 ans, et d'un clin d'œil tu me glisses. J'ai encore de l'endurance. Dis, à partir de quand on est vieux, est-ce dans la tête ou dans les yeux? Je redoute les années qui passent, mais il faut bien que je fasse. Sur une frise chronologique, le temps me grise et me panique. Ça me rassure même un peu parfois, que je puisse venir avec moi. va bien falloir s'y faire parce que de toute façon on peut pas revenir en arrière. C'était Mourad avec À partir de quand, et on va continuer avec un groupe qui est venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Malheureusement il n'existe plus, c'est le groupe Mabkara, mais on a gardé les enregistrements et je vous propose d'écouter un titre juste après. Voilà, un excellent souvenir, le groupe 100 Miles avec Falling Star. Juste avant, c'était un groupe, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, ça s'appelle Last Rider, et le morceau qu'on a écouté s'appelle As Long As It Pay. Voilà, et on avait commencé avec cette série avec un morceau souvenir donc du groupe Mabcara, un groupe qui est venu à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui aujourd'hui n'existe plus, mais le titre que nous avons écouté est enregistré, donc on pourra le réécouter avec beaucoup de plaisir, et ça s'appelle de By the Door. Maintenant nous allons retrouver un groupe qui est venu deux fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il s'agit du groupe Hype Me. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika.

s'arrêter, s'asseoir et attendre comme ça tout le temps. Vous verrez qu'il n'y a rien à voir et que seul s'écoule le temps. On peut bien désirer, vouloir et comme ça en parler tout le temps. Mais en vrai, il serait illusoire d'espérer autre chose que du vent. On peut bien s'enfermer dans le noir et attendre qu'il passe beau temps. Mais les yeux derrière des lunettes noires, c'est le gris qui domine souvent. Tout changer, recommencer. Faire belle et moins grise qu'avant. Les couleurs ont terni ses visages comme des laves le passage du temps. On voudrait refaire naître l'espoir, s'enivrer de la vie plus souvent. Mais la peur nous fait mettre en retard et on court et on perd notre temps. On devrait retrouver des regards plus brillants que celui des enfants. Si l'ennui nous rattrape plus tard, on s'en fout, profitons du moment. S'enfermer dans le noir et attendre qu'il passe le beau temps. Mais les yeux derrière des lunettes noires, c'est le vide qui domine souvent. On voudrait bien refaire nos histoires, les faire belles et moins grises qu'avant. Les couleurs ont terni, c'est bizarre, comme des laves le passage du temps. On voudrait refaire naître l'espoir, s'enivrer de la vie plus souvent. Mais la peur nous fait mettre en retard. On devrait retrouver des regards plus brillants que celui des enfants. Si l'ennui nous rattrape plus tard, on s'en fout, profitons du moment. Qui rentre bien dans la tête, hein, tout changer, recommencer, c'est notre ami David McLean. Et juste avant, on a écouté Les Vilaines Choses avec À Table. Et juste après, je vous propose d'écouter encore un artiste qui chante en français, mais pas que. C'est une personne qui passait à la télévision il n'y a pas très longtemps dans une émission d'artiste, pour pas la nommer. Il s'agit de Clem Chouteau et le morceau que je vous propose d'écouter, c'est un morceau qui s'appelle Tes yeux se posent sur moi. Voilà, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes toujours en compagnie des Lumino. On est ensemble jusqu'à 22h. Le temps passe très très très vite. Et j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à écouter nos artistes de la région orléanaise et même d'un petit peu plus loin. Plus rien de bien. Sympa comme morceau. Hein. Ça s'appelle Tes yeux se posent sur moi et c'est notre ami Clem Chouteau qui interprète ce morceau-là. Voilà, on va continuer avec un autre groupe qui est déjà venu plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission Marika et qui ont aussi participé à un Marika live. Voilà, donc ça commence à recentrer un petit peu. Et ça commence par Red et ça finit par DAF. Voilà, c'est le nom du groupe. Et le morceau que je vous propose d'écouter, c'est Colorado Ride. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on écoute de la très bonne musique made in France.

danser sur les bords du Warren. Mon gamin te va foirer, car le sac est masqué avec un loup à tatouer. We'll be right back. c'est une chanson super puissante, le groupe Comintern Sect avec Que restera-t-il de toi. Juste avant, c'était Rash Orgasme avec un titre des années 80, un titre qui s'intitulait Ma fiancée. Et on avait commencé cette série musicale avec Narcose Made in China. Et tout de suite après, on va retrouver des gens du frigo, pour ceux qui comprennent. Il s'agit vraiment de personnes que j'apprécie beaucoup, hein. Ils font tous beaucoup de groupes qui font partie de justement de cette association Le Frigo. Et parmi ces groupes, il y en a un que j'aime particulièrement, qui est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du groupe The Brunettes. Et on va écouter un morceau qu'elles ont enregistré spécialement dans leur studio pour l'émission avec laquelle on avait partagé un moment ensemble. Il s'agit de Lover's Song. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica et on écoute Les Brunettes. Trust me, baby, certainly. Tout à l'heure, il y a des très belles chansons dans l'émission Mavrica. On choisit les meilleures chansons, les plus belles. Hein. Mais il y en a certaines qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et c'est encore le cas pour cette chanson qui s'appelle No More Tears. C'est une histoire d'amour entre père et enfant, voilà, tout simplement. Et c'est le groupe Prisma qui nous a fait danser le slow pendant tout l'été avec ce morceau. No More Tears, Prisma, à bien retenir. On va continuer juste après avec de la très bonne musique. Tout à l'heure, je vous ai dit que je dédiais cette chanson à Jean-Marc, le guitariste des Blues Factory, qui nous a quittés ces derniers jours. Et justement, on va écouter un de leurs morceaux, s'appelle Long Ride. Ce sont les Blues Factory sur Radio Arc-en-Ciel.

Sur la scène de l'espace Bérère à la Chapelle Saint-Mémin lors du dernier Marika Live. Il s'agit du groupe Custom. Custom avec Only Revolution. Juste après, on va écouter un groupe que nous avons découvert cette année dans l'émission Marika. Il s'agit du groupe The Gig. Et le morceau que nous allons écouter, c'est Too Young. Too young, too young, too young. you to listen to me. Là, il est vraiment extraordinaire, Jekyll Wood, avec un morceau qui s'appelle Extraordinary Man, voilà. Juste après, on va aller du côté de la plage. Hein. Je pense que bon, c'est peut-être pas vraiment le moment. On est en automne, mais enfin, on a le droit de rêver un petit peu aux plages des cocotiers. On va retrouver Pauline. Pauline à la plage, c'est le nom du groupe. Bientôt, ils seront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va prévoir ça. On va commencer à décider des dates pour que les groupes reviennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica, puisque c'est ce qu'on aime. Hein, de toute façon, hein. C'est comme ça qu'on aime faire de la radio. Et justement, on va aller faire l'amour à la plage. Voilà, c'est le titre. C'est la reprise de Niagara. Vous avez reconnu L'amour à la plage, interprété par Pauline à la plage. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. Le temps passe très vite. On est bientôt à la fin de cette émission numéro 567. Qui assaille mon esprit.

trouver le chemin des portes de l'amour, espoir de lendemain. Je me disais, qui sont les fils du cœur sous un tendre manteau qui nous tiendra chaud à l'abri des démons, à l'abri des mensonges, pour nous construire un monde à l'âme vagabonde. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir de lendemain. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir de lendemain. Tu me disais, tends-moi les bras plus forts, donne-moi le courage de sortir de l'orage et trouver un éclair au creux de nos nuages. Ouvre plus grand mes yeux pour te comprendre mieux. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir du lendemain. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir du lendemain. Tu me diras, voilà le maintenant. Après tout ce temps, nous touchons l'avenir. Il est l'heure de partir pour se laisser vivre aux portes du vent, devant les océans, sans attendre toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir le lendemain. De trouver le chemin des portes de l'amour, espoir du lendemain, sans attendre toujours. Je n'ai fait qu'une émission avec Manu Lorca, ce grand monsieur hein, qui nous a laissé un très beau disque. Et j'adore cette chanson en plus, hein, tu me disais. Juste après, on va aller faire un petit tour du côté de New York avec une reprise du morceau de téléphone qui s'appelle New York avec toi. Et ce sont les oreilles qui saignent qui l'interprètent. Et après, on passera encore une dernière chanson avant de nous quitter. Je sais que c'est déjà l'heure, mais on va dépasser un petit peu. Je pense que vous allez pas m'en vouloir puisqu'on a pris l'antenne un petit peu plus tard aussi. Vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Mégahertz et vous pouvez aussi nous écouter sur internet www.radio-arc-en-ciel.fr ou .com. Vous mettez les deux, ça marche aussi bien l'un que l'autre. J'ai testé et on écoute tout de suite les oreilles qui saignent avec New York avec toi. retour à New York sur Radio Arc-en-Ciel avec les oreilles qui saignent. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça a été le cas. Un vrai plaisir de travailler sur Radio Arc-en-Ciel et de faire cette émission depuis bientôt 14 ans. L'émission Mavrica, aujourd'hui, c'était la 567e. Et la semaine prochaine, donc, on se retrouve à partir de 19h. 19h à 22h. Voilà, j'oublie même l'heure de fin puisqu'on l'a dépassé un petit peu. Et puis, je voulais aussi vous passer un petit message d'un ami, quelqu'un que vous connaissez bien. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel 96.2, c'est Florent Amigo. Je suis la personne qui enregistre toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel 7 jours sur 7. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va impeccable. Bonne soirée. Bonne fin d'émission. À l'écoute de Mavrica, à l'émission d'Albino, tous les vendredis soirs, de 19h à 22h. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir de le diffuser en direct. Il s'agit bien entendu de notre ami Florent. Florent qui fait tous les podcasts des émissions qui sont faites en direct dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on fait de la vraie radio hein. Sur Radio Arc-en-Ciel. On fait pas de la musique en boîte avec des ordinateurs qui tournent tout au long de la journée. Il y a le côté humain qui est là et puis vous le savez depuis aussi longtemps que vous nous écoutez. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vais dire les phrases magiques. Hein. Vous le savez, il y en a toujours à la fin de l'émission. Il y en a au moins trois. Hein. Je vais citer les trois les plus importantes. Que le rock and roll soit toujours avec vous. Everything is gonna be alright. Et une vie sans musique serait une erreur. On va se quitter avec le titre d'un groupe. Voilà comment je peux vous expliquer ça. Alors j'ai rencontré le bassiste hier. Je l'ai discuté un petit peu avec lui. Et puis c'est Laurent, le bassiste des So More Chains. Et il devait jouer donc hier au Dropkick, mais ça a été annulé parce qu'il y a eu un heureux événement dans le groupe. Donc il y a un des membres qui a eu un petit bébé, donc voilà, ils ont annulé le concert, mais voilà, on va quand même diffuser ce morceau. Le morceau s'appelle Astronaute et c'est le dernier morceau que vous écouterez dans cette émission. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme de bien entendu, à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel, même endroit, même heure. Voilà, on écoute le groupe So More Chains avec Astronaute. Taking up. 89 Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Entre, instale-se, porque aqui vai encontrar mais amor e o seu Portugal. Para aquecer o coração e os ouvidos, entre boa música e boa conversa, vamos tentar aproveitar aqui a sexta-feira, o início de fim de semana. Tenho já prontíssimos Carlão e Carolina Deslandes. Primeiro, assobiamos para o lado. Às vezes, para manter a sanidade mental, é preciso afastar-nos dos problemas e do mundo. Portanto, feche-se ligado à sua rádio e aproveite este momento só para si. Também é importante estar bem para poder.